L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Mes petits loups, I don't want to spend my holidays in the sun. Tu veux pas passer tes vacances au soleil, Johnny Rotten, mais qu'est-ce que tu fous dans le sud? Un instant, c'était les Sex Pistols pour ouvrir cette émission de l'heure du loup sur Osmose Radio. Les amis, les 18h passées de quelques minutes et c'est votre playlist Rock and New Wave qui commence pour une dernière émission de la saison ce soir, 28 juillet. Et Sex Pistols, Holidays in the Sun, c'est un extrait de l'album Nevermind the Bollocks qui signifie littéralement on s'en bat les couilles, mais sans l'accent provençal. Et c'était en 1977 que c'était sorti, 77, une très bonne année, mais je ne suis pas objectif vu que moi-même je suis un modèle de cette année-là. Voilà, donc vous l'aurez compris, une entrée en matière très punk pour une playlist qui va dépoter ce soir, oui. Et pour vous achever hein, après ce festival d'Avignon qui vous aura sans doute épuisé ou tout simplement la chaleur estivale qui vous aura fatigué, quoi qu'il en soit, moi je vais vous achever, chers amis, histoire que vous passiez une bonne nuit de sommeil après. Qui aime bien, châtie bien. Et on continue avec de la surf music et The Comet Tales, le titre Weltraum Surfen. Aber so Surfer in Deutschland sind doch die Besten. Wir nehmen unsere Mädchen und stapeln unsere Helme und fliegen bis in den Himmel für die schönste Reise. Wir gehen Wäsche und Surfen, zu uns kommen alle Schönheiten. Wir gehen Wäsche und Surfen, wir gehen Wellenreiten, Reiter Sieg der Sonne. Wir gehen Wäsche und Surfen, zu uns kommen alle Schönheiten. Fieber, die Separate sind bereit. In unserer Kette tanzt jeder mit Überschwänglichkeit. Mein Anzug ist rot und schwarz und meine Freundin dunkelblond. Wir sind auf einer Surf-Safari von der Nordsee bis zum Mond. Wir gehen mit uns surfen, zu uns kommen alle Schönheiten. Wir gehen mit uns surfen, wir gehen Sicht der Sonne. Wir gehen Wetter und Surfen, zu uns kommen alle Schönheiten. Wir gehen Wetter und Surfen, zum Mond und zurück mit Großartigkeiten. Yeah, tu surfes sur la vibe, mon petit loup. Et bien, à l'instant, c'était le cas puisque c'était de la surf music. Alors, à défaut hein, d'aller badifoler dans la Grande Bleue, je te propose de surfer sur les ondes radio, The Radio Waves. Et c'était donc The Gondetails avec le titre Weltraum Surfen. Alors, de la surf music chantée en allemand. C'était un extrait d'un truc dont je vous avais parlé il y a quelques émissions déjà. C'était la bande originale du jeu vidéo Wolfenstein, le dernier qui était sorti au mois de mars. Et c'est donc des groupes imaginaires qui chantent les standards des années 60. Mais en allemand, alors que ce soit des standards qui ont effectivement existé comme The House of the Rising Sun et, ou alors des trucs totalement imaginaires quoi. C'est un vrai faux label qui s'appelle Neumann Records et voilà, donc on a des groupes comme ça, The Bunkers qui singeait un petit peu les Kings, je vous l'avais déjà passé il y a quelques émissions, et ce soir donc The Gondetails avec le titre Weltraum Surfen, ce qui signifie grosso modo, c'est un concept qui signifie surfer dans le monde entier, surfer sur le monde entier plutôt. Voilà, vous savez, les Allemands hein, sont cachotiers, ils aiment bien faire des mots à rallonge avec à peu près 10 milliards de syllabes, juste pour désigner des petits concepts comme ça. Facétieux, les coquins. Allez, bah écoutez, soyez les bienvenus dans cette playlist donc qui commence en force pour l'heure du loup. Ce soir, comme je vous le disais, c'est ma dernière émission de la saison. Pas de l'année, mais de la saison, puisque ce sera la pause estivale pendant le mois d'août et je reviendrai en principe début septembre avec tant d'autres collègues d'Osmose Radio pour venir vous martyriser à nouveau les oreilles, mais je vous laisse faire une pause pendant le mois d'août, voilà. Et on va continuer alors toujours avec du rock'n'roll un peu endiablé, et là ce sera avec du Psychobilly et ce fameux groupe de Psychobilly d'entre tous. Tout à l'heure on écoutait du chant en allemand avec du rock'n'roll assez énervé, mais là on va continuer avec un groupe danois, mais qui a, dans la patrie d'adoption, c'est la Californie, avec le titre Bloody Holiday. C'est un extrait de l'album Brought Back to Life en 92. Tout de suite, Necromantics. We'll be right back. and then you will see evil creatures everywhere. Let's go and join us if you dare. Little fucking shadows worth our pain. No, we're back again. Running through the night, the moon is shining bright. Yeah, oh, man, try away. You wanna get away, you wanna leave this hell. But it's great, I can tell. Un petit peu de vagues froides, autrement dit de cold wave, pour rafraîchir un peu vos ardeurs en cette période, dans cette soirée chaude estivale. Les amis, à l'instant c'était Trisomie 21, donc ce groupe de cold wave français des années 80, avec un album sorti en 1984, Passion divisée, et c'était le titre Jakarta, issu de cet album-là. Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie, alors là je vous apprends rien évidemment chers amis, mais Jakarta qui a été au cœur de l'actualité, en tout cas qui m'a attiré mon attention à propos d'une anecdote que j'ai envie de qualifier assez rigolote, mais pour le coup je trouve le terme assez irrespectueux, et parce que franchement ça fait plaisir, je vous raconte. En Indonésie, donc, qui est quand même une des plus grandes démocraties du monde, 125 millions d'habitants, excusez du peu, avec l'Inde, ce sont les plus grandes démocraties du monde, et il y a eu des élections présidentielles récemment, genre il y a 2 semaines, et le vainqueur de ces élections, c'est un gars d'une cinquantaine d'années, donc ce qui est relativement jeune pour un politique, qui s'appelle Joko Widodo, et ce mec-là, pour l'anecdote, est fan de rock'n'roll, du métal au classique des années 50, le gars, il adore ça, quoi. C'est impressionnant, quoi, qu'un mec qui arrive à un poste aussi important pour un pays qui est quand même qu'on considère comme un pays du tiers-monde, mais qui potentiellement, ne serait-ce qu'avec ses ressources naturelles, pourrait être la 5e puissance économique mondiale à la place de la France, hein. Je dis ça, je dis rien, juste en vendant du pétrole. Donc déjà ça rend modeste. Ensuite, c'est le plus grand pays musulman du monde, il y a rarement des embrouilles, alors qu'à chaque fois qu'on entend parler de l'islam aux infos, c'est toujours pour des guerres, des tueries, etc. Et en plus, bon, c'est un pays magnifique avec une culture riche, etc. Enfin, je vais pas vous baratiner, vous savez déjà tout ça, mais ce que vous saviez pas forcément par contre, l'anecdote est passé relativement inaperçu, mais je la trouve quand même assez savoureuse, quoi. C'est que ce mec, le nouveau président de ce grand pays, l'Indonésie, à Jakarta, Joko Widodo, est un fan de rock'n'roll et de métal. Et ben justement, ça me rappelle une anecdote, par contre, un peu plus malheureuse qu'il y avait eu il y a 2 ans. C'était en janvier 2012. On avait appris que dans l'île d'Aceh, A-C-E-H, ça s'écrit, c'est une des plus grandes îles de l'archipel indonésien, c'est à l'ouest de Java, de l'île de Java. Et bien, il y avait des intégristes musulmans qui avaient rasé tous les punks du coin, quoi. Ils avaient mais c'était limite des néo-nazis, quoi, qui rassemblaient tous les punks de la ville et qui leur ont rasé le crâne, voilà, arbitrairement. Ils avaient aucune compétence judiciaire pour ça, mais simplement parce qu'une crête sur la tête, ça répond pas à la charia, bande de blaireaux. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça, à l'époque, ça m'avait vraiment choqué, comme beaucoup de gens un peu partout dans le monde, hein, pas seulement en Indonésie, et ça m'avait intrigué, et du coup je m'étais intéressé un peu à l'époque, donc il y a 2 ans, à la scène rock'n'roll en Indonésie, et il faut reconnaître que elle se focalise surtout autour du punk. Mais pour des raisons tout à fait honorables, c'est que le punk demande relativement une culture musicale relativement rudimentaire, relativement peu de moyens au niveau de l'équipement électrique et musical, les grades, etc. On peut faire du punk même avec des instruments acoustiques d'ailleurs. Et moi je propose d'écouter un des nombreux groupes qui se produit sur la scène notamment de Jakarta, qui est la capitale, avec le groupe Rooster Fight, avec le titre Buktikan Kaberadan Kita. Attention, si vous avez les oreilles sensibles, éloignez-vous du poste! Stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood, stop the blood Je rigole parce que je me dis que c'est sûrement la première fois de votre vie, chers amis, que vous écoutez du punk chanté en javanais, quoi. Grâce à moi. Laissez-moi un petit peu ce péché d'orgueil. Allez, à l'instant, c'était Rooster Fight avec le titre Bouktikan, Kaberadan. Quitte à me demander pas de traduire, j'en serais bien incapable. Rooster Fight, par contre, bah, ça fait référence, bien entendu, au combat de coq, hein, qui est un divertissement. Alors, on peut considérer que c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est un divertissement assez populaire dans toute l'Asie du Sud-Est et en Indonésie en particulier. Et voilà, quoi. Donc, c'était un extrait de ce que sont capables de faire les punks indonésiens. Là, en l'occurrence, c'était un groupe électrique. Mais il faut savoir, pour l'anecdote, que les punks indonésiens, souvent, jouent par manque de moyens avec des instruments acoustiques. Et notamment, eh ben, ils apprennent aux gamins dans la cambrousse, dans des maisons sur pilotis traditionnelles. Ils sont tous vêtus comme des boumians avec leur crête sur la tête et ils apprennent aux gamins à faire du punk sur des ukulélés. Et voilà, quoi. Et franchement, c'est impressionnant. Et les mômes s'amusent, les grands sont contents de s'occuper des petits, tout le monde fait de la musique, ça rigole. Et puis ça les empêche pas, hein, tous ces gentils punks, d'aller aller à la mosquée régulièrement pour faire ce qu'ils ont à faire tranquillement. Donc, pour bon Dieu, laisser leurs cheveux tranquilles, quoi. Voilà. Alors, pour les observateurs, en tout cas, moi, ça m'a vraiment rappelé ce qui a pu exister en Pologne au début des années 80, ce qui a pu exister en Grande-Bretagne dans la seconde moitié des années 70, quand les skinheads, les punks et les rastas se côtoyaient sans se foutre sur la gueule. Voilà, donc c'est vraiment le bon esprit punk tel qu'il a pu exister et qu'il existe encore dans des pays qu'on ne soupçonnerait pas, comme l'Indonésie, donc un pays à surveiller parce qu'il est plein de potentialités, notamment au niveau musical. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un jour, qui sait. Voilà, donc le nouveau président de ce pays-là, Joko Widodo, un fan de rock'n'roll, un fan de métal notamment, et tiens, de métal, c'est justement de ça dont il va être question, avec un groupe par contre plus classique, le groupe de Glenn Danzig, avec cet extrait de l'album How the Gods Kill Dirty Black Sun. We'll be right back. sensuelle du belâtre Villers Valaud au sein du groupe Hymn, c'était le morceau Killing Loneliness, c'était extrait de l'album Dark Light qui était sorti en 2005 et s'est enchaîné avec la voix plus grave et plus virile de Glenn Danzig dans le groupe du même nom, Danzig. C'était un extrait, c'était Dirty Black Summer, pardon, ben un groupe, un morceau qui convient bien à cette ambiance estivale un petit peu couverte ce soir, hein, et nuageuse. C'est un extrait de l'album Of the God's Kill, c'était sorti en 92. Voilà. Et alors Danzig, un groupe de métal à l'ancienne, Hymn, un groupe de métal pour minette des années 2000. Alors je reconnais que c'est très connoté pour goth poufias, on va dire, ce genre de groupe de métal, mais je dois reconnaître honnêtement que j'en suis pas fier, mais j'ai tendance à aimer ce groupe là notamment ce morceau Killing Loneliness qui me parle en particulier et qui c'est mon côté midinette, hein, on peut dire que voilà, c'est, j'en suis pas fier, je le répète, mais après tout on a tous nos défauts, on a tous nos péchés mignons. Allez, sans transition, et bien puisque la chaleur estivale fait que l'air est saturé de phéromones, chers amis, et bien je vous propose de nous rapprocher et d'être plus près les uns des autres, et justement c'est l'objet du morceau qu'on va écouter tout de suite, Nine Inch Nails, avec le titre Closer. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. You can't. À l'instant, Nine Inch Nails avec le titre Closer, c'était sorti en 1994 sur l'album The Downward Spiral, sans doute un des albums les plus connus de ce morceau qui gagnerait à être cloné d'ailleurs, allez donc savoir. Et donc, les paroles, hein, I want to fuck you like an animal, I want to feel you from the inside. Je vous traduis pas, hein, je vous fais pas un dessin non plus. D'ailleurs, à la radio, ce serait pas très utile. Et à l'instant, c'était Train 13 Nord, hein, Closer, qui nous propose de venir plus près. Pourquoi pas, hein, les filles, après tout, c'est un beau gosse. Moi-même, si je l'avais dans mon lit, je dormirais pas dans ma baignoire. Et je vous dis ça, je suis un pur hétéro, mais bon, j'ai le droit de faire des exceptions, hein, s'il s'agit de Train 13 Nord. Quoi qu'il en soit, eh bien, donc on a écouté un petit peu ce groupe qui a su populariser l'électro-indus au-delà des sphères un petit peu expérimentales où il était cantonné jusqu'au début des années 90, quand Nine Inch Nails est apparu mettre un coup de pied là dans tout ça. Voilà, on va aller vers quelque chose de plus électro et de plus ancien aussi, avec un groupe qui me tient particulièrement à cœur, le groupe Kraftwerk, qui sortait en 1977 l'album Trans Europe Express, un morceau qui a fait que je n'ai plus jamais entendu le bruit d'un train de la même manière. Et tiens, justement, le train, vous allez peut-être le prendre pour aller en vacances, chers amis. Je vous laisse réfléchir avec ce morceau version longue, Trans Europe Express. Thank you. Avignon, Avignon, 2 minutes d'arrêt. À l'instant, c'était un voyage musical qui vous était proposé par Kraderk avec cet extrait de l'album Trans Europe Express qui était sorti en 1977 avec le morceau, la version longue pour le coup du morceau phare de cet album-là, Trans Europe Express, avec notamment la partie médiane, Metal of Metal, et la troisième partie, je me souviens plus du nom, enfin bref, c'était un réel voyage musical que ce morceau de 10 minutes qu'on vient d'écouter ensemble, donc le train, peut-être que vous le prendrez si vous avez l'occasion de prendre des vacances, chers amis, profitez-en bien. Voilà, on arrive à la fin de cette émission sur Osmose Radio. C'était l'heure du loup. J'étais très heureux d'être avec vous, non seulement pendant cette première saison passée ensemble, mais avec cette heure qu'on a passée ensemble ce soir. Quelques petits remerciements. Alors, merci à chacun de vous, chers anonymes, qui prêtez l'oreille à mon humour pourri et à mes playlists moisies. Franchement, ça me fait plaisir que vous soyez relativement nombreux. Dans l'absolu, vous n'êtes pas des millions, mais quand même, vous êtes plus nombreux que ce que j'imaginais, ce que j'attendais de prime abord. Et je vous cache pas que ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, savoir qu'une émission relativement banale, normale, fait 30-40 téléchargements, dans l'absolu c'est peut-être pas énorme, mais à mon petit niveau, je vous assure que ça me fait vraiment plaisir, et mon ambition, c'est que le chiffre augmente et que vous soyez de plus en plus nombreux à partager ces délires à la con avec moi. Voilà, je remercie toute l'équipe de d'Osmose Radio, écoutez, de m'accueillir et de supporter mon mauvais caractère, hein. Donc Dominique Jacquot, la MC en fait, hein, la chamane de cette radio, tous ceux que j'ai eu plaisir à rencontrer qui ne sont plus là, je pense notamment à Jimmy, à Thierry et à Christine, que j'ai eu plaisir à rencontrer, disais-je, ainsi que Laurence, que je croise de temps en temps, qui fait de l'émission littéraire du vendredi soir, avec qui, à mon avis, l'an prochain, on aura l'occasion de faire des émissions croisées, ça promet, ça va être un beau bordel. Et quoi qu'il en soit, donc je remercie aussi, bien entendu, Laure, qui était la petite stagiaire de ce mois de juillet, qui nous a fait un travail formidable, notamment sur Un deuil en coulisses, hein, l'émission théâtre que j'animais avec Nicole pendant le mois de juillet, consacré à l'actualité du off. Et enfin, je remercie énormément et je salue bien bas mon technicien préféré et mon souffre-douleur adoré, à savoir Abel, hein, qui ne m'a jamais mis plus de 2 beignes et d'un coup de boule chaque fois que je lui pinçais les fesses entre 2 morceaux. Voilà, donc je m'excuse auprès de sa copine, mais franchement, c'est trop drôle. Allez, il rigole, putain, ce que je vais prendre dans la tronche tout à l'heure, chers amis. Allez, je parlais de train un instant avec Kraftwerk, et c'est avec le groupe Porcupine Tree et le morceau Trains que je vous propose de nous quitter. Chers amis, encore un voyage musical pour nous quitter. Je vous donne rendez-vous en septembre. C'est la pause estivale, la fin de cette première saison passée ensemble. J'étais très heureux de le faire avec vous. C'était l'heure du zoo et je vous propose de hurler à la lune alors que la nuit tombe. Sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Oh, is the summer's asleep in a way? kissing you wide. Hissing subsides, I'm in love. When the evening reaches here, you're tired.